بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, une nouvelle série de cours, le chapitre du mariage, tiré du livre Riyad al-Salihin de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et donc l'auteur qui nous dit « Rahimahullah kitabun nikah » le chapitre du mariage. Le mot « nikahun » dans la langue arabe implique, montre le fait de se rassembler, de se coller. Et on peut aussi le voir dans une phrase que les savants citent. Une phrase dans la langue arabe, tanakahatil ashjar. Donc le verbe tanakaha. Et donc qu'on va utiliser pour dire que des arbres se sont collés mutuellement. Et même se sont enlacés. Et le terme nikah est aussi utilisé pour le rapport intime. Le terme nikah va aussi être utilisé pour le rapport intime. Dans la législation, le nikah, le mariage, c'est un contrat, c'est-à-dire donc un engagement qu'il y a entre deux parties et qui va impliquer la licéité pour chacune des deux parties ou pour chacun des deux parties. D'avoir du plaisir par l'intermédiaire de l'autre, de manière légiférée. Et donc c'est un contrat, c'est un engagement qui permet à chacun des deux époux de prendre du plaisir de l'autre ou de prendre du plaisir par la cause de l'autre ou par le biais de l'autre de manière légiférée. L'auteur qui nous dit, rahimahullah ta'ala, wa huwa min sunanil mursalin. Et donc le mariage fait partie des sunan, des messagers, des guidés, des messagers, de la voix des messagers. Il n'a pas dit que celui-ci, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il n'a pas dit que celui-ci est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la voix des messagers. Et donc, barakallahu fikoum, ceci, le mariage, ça nous montre encore l'importance du mariage. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » Certes, nous avons envoyé des messagers avant toi, nous leur avons accordé des épouses, et une descendance. Et donc le mariage est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui donc qui veut se marier, alors qu'il invoque beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala, car le mariage est un don d'Allah. Et qu'il craigne Allah. Le conseil que je donne à mes frères qui cherchent une épouse, à mes sœurs qui cherchent un époux, invoquez Allah et craignez-le. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, celui-ci lui accorde une issue et lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. Et donc il y a dans le mariage, chers frères, barakallahu fikoum, le fait de redonner vie à la sunna des messagers. Et le mariage n'est pas lié qu'au rapport, contrairement à ce que certains peuvent penser. Déjà, il faut savoir que le mariage fait partie des éléments par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous a distingués des autres créatures. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ » Certes, nous avons distingué les descendants de Adam. « وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ » Et nous les avons transportés sur terre et sur la mer. « وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ » وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا Et nous leur avons accordé de bonnes subsistances. Et nous les avons favorisés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Et donc le mariage, Allah tabaraka wa ta'ala, il a distingué les descendants de Adam aux autres créatures. Parmi les éléments par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a distingué les éléments de les descendants de Adam, il y a le mariage. Les animaux ne se marient pas. Bani Adam, les descendants de Adam se marient. Et donc il n'est pas convenable que le descendant de Adam délaisse le mariage. Et aussi, au cher frère, barakallahu fikum. Parmi les bienfaits du mariage, il y a le fait que celui-ci cause la propagation de l'islam. Comme on le verra par la suite, incha'Allah ta'ala. Et parmi les bienfaits de l'islam, il y a le fait que celui-ci apporte de l'apaisement, de l'amour, de la miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Il fait partie de ces signes le fait qu'il a créé pour vous, à partir de vous, des épouses, afin que vous trouviez chez elles de l'apaisement. Il a placé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Et donc, l'individu est censé trouver de l'amour, de la miséricorde et de l'apaisement dans le mariage. Le mariage n'est donc pas que lié au rapport. Et barakallahu fikoum, il y a en cela une réplique aux catholiques. Ceux qui ont contredit la voix des prophètes, et ils se sont interdits, ils ont interdit aux hommes qui prêchent, qui appellent à la religion, ils leur ont interdit le mariage. Alors que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, appelaient à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et se mariaient. Et donc il est important, barakallahu fikum, de ne pas contredire la voix des prophètes. Et de ne pas interdire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré. Ils se sont rendus la vie dure. Et aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires concernant les prêtres. Ils se sont interdits ce qu'Allah leur a autorisé. Allah connaît mieux ses créatures. L'homme a besoin de la femme. Et la femme a besoin de l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit concernant les suiveurs de Isa alayhi salam, il nous dit « وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ » Et certes, nous avons placé dans leur cœur, nous avons placé dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, donc de ceux qui ont suivi Isa, nous avons placé dans leur cœur de la compassion, de la miséricorde. Et il y a du monachisme. Le monachisme, donc le fait de s'interdire la nourriture, la boisson, les rapports, le mariage, le fait de s'isoler dans les montagnes, dans les temples. Et donc il y a du monachisme qu'ils ont innové. Nous ne leur avons pas imposé cela. Subhanallah al-Ali al-Azim. Nous ne leur avons pas imposé cela. Et donc ces gens-là se sont menés la vie dure. Al-Bukhari le cite dans son Sahih d'après Abu Hurairah radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna dina yusrun » Certes, la religion est facilitée. « Wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu » Aucun individu ne pratiquera la religion avec dureté sans que celle-ci n'ait le dessus sur lui. C'est-à-dire, aucun d'entre nous ne va se confier une charge supérieure à sa capacité sans que cela le fasse revenir à la base et sans que la religion donc ait le dessus sur lui, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il n'a pas la capacité de faire cette charge, il n'a pas la capacité d'accomplir cette charge qu'il s'est imposée. Et donc, ils se sont rendus la vie dure, même dans le divorce. Même pour ceux d'entre eux qui se marient, le divorce leur est interdit. Ils ont totalement interdit le divorce. Un catholique ne peut divorcer que si le Vatican valide le divorce. Et quand est-ce que le Vatican valide le divorce? C'est quand on prouve que le jour du mariage, un des deux époux était fou. Et donc, ils n'ont pas de divorce. Ce qui a fait que les jeunes d'aujourd'hui ont peur de se marier, peu importe la conséquence, peu importe ce que tu vis, peu importe les souffrances que tu subis durant ton mariage, tu ne peux pas divorcer. Et donc, les jeunes catholiques ne veulent pas se marier. Ils restent donc dans les péchés, dans la fornication, wallahu al-musta'an. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.